Bonjour, merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Nous avons vu donc dans la précédente vidéo justement cette décrétion de Childebert. Alors la décrétion de Childebert est un édit royal qui a été surtout qui reflète l'influence de la reine Brunehaut, reine d'Austrasie et de Bourgogne, et qui a été proclamé par le jeune roi Childebert devant une assemblée d'Austrasiens, de nobles Austrasiens et de nobles Bourguignon à Paris sur le Champ de Mars. Cette décrétion de Childebert est une grande réforme en réalité de la loi salique et a comme disposition véritablement révolutionnaire cette disposition qui impose que les Francs et les Gallo-Romains soient reconnus égaux. Désormais, les deux, Gallo-Romains comme Francs, peuvent postuler au même poste et être traités de façon égale devant la loi. Le contexte de cette décrétion de Childebert est différent du contexte de la décrétion de Clotaire, puisque dans le premier cas, le royaume de Childebert est à son apogée. La reine Brunehaut dirige ce royaume avec sa main de fer. Elle obtient la soumission des barons. Et le roi donc peut centraliser le pouvoir à son profit. A l'inverse, Clotaire, lui, en 614, se retrouve en face finalement de princes et de grands du royaume, austrasiens, ainsi que de princes de l'Église, des évêques, qui ont des intérêts bien marqués et qui contestent aussi la légitimité de ce roi. Certes, Clotaire, avec la mort de Thierry, son cousin, roi d'Austrasie et de Bourgogne, s'est rendu maître en réalité du Regnum Francorum. Son pouvoir est plus étendu, mais son pouvoir reste contesté et sa légitimité aussi reste contestée. C'est le drame de Clotaire, c'est de ne pas arriver à s'imposer comme le roi légitime des Francs. Donc il est obligé de reconnaître, enfin de faire des concessions à cette noblesse austrasienne et bourguignonne. Alors, et c'est l'objet en réalité de la décrétion de Clotaire, adoptée en 614. Dans cette décrétion, il y a quelques dispositions importantes que nous allons relever. Par exemple, la possibilité des puissants, des magnats, de contrôler les budgets des comtes, c'est-à-dire ces envoyés royaux qui administrent le royaume. Ils obtiennent d'ailleurs du roi la possibilité d'avoir des serviteurs de la couronne, mais qui ne sont plus soumis à cette obligation de mobilité, qui consistait autrefois, en effet, les serviteurs royaux exerçaient leurs fonctions 3 ans dans une région, puis ensuite 3 ans dans une autre région. Désormais, ils sont sédentaires et restent sur place. La conséquence, c'est qu'ils risquent en réalité d'être exposés à des tentatives de pression et d'intimidation des seigneurs locaux, beaucoup plus que s'ils étaient mobiles. Concernant les princes de l'Église, alors désormais les évêques retrouvent leur liberté d'élection épiscopale, c'est-à-dire l'évêque métropolitain, l'évêque du chef-lieu de la ville, chef-lieu de la province ecclésiastique, pourra, sur le conseil du synode des évêques de la province, nommer et ordonner en fait l'évêque qu'il veut, sans passer par l'avis du roi. Le roi ne pourra donner qu'une validation a posteriori. Les évêques retrouvent donc une liberté qu'ils avaient perdue avec le concile d'Orléans de 511, qui concédait au roi une possibilité de nommer les évêques. Une possibilité partagée de nommer les évêques, mais en tout cas une possibilité pour le roi de nommer les évêques. Alors, la décrétion de Clotaire a aussi quelque chose de particulier, puisqu'elle traite aussi du sort du cas des Juifs. En effet, ce que n'avaient pas prévu en réalité les rédacteurs de la décrétion de Childebert en 595, c'est que en reconnaissant aux Gallo-Romains le même statut que les Francs, eh bien, c'est-à-dire la possibilité pour les Gallo-Romains d'occuper des fonctions militaires et politiques, et civil, pardon, eh bien, c'était que parmi les Gallo-Romains, il y avait des Juifs. puisque gallo-romain est en réalité plus un statut juridique qu'une tribu, qu'une appartenance ethnique. Donc des juifs se retrouvent à des postes militaires et des postes de hauts fonctionnaires dans l'administration du royaume franc. Or, cela pose problème. Pour quelle raison? On ne sait pas vraiment. En tout cas, la décrétion de Clotaire impose à ces juifs, qui occupent des fonctions militaires et des fonctions civiles, de se faire baptiser, eux, ainsi que toute leur famille. Est-ce qu'on peut voir là derrière l'influence de l'Église? Ce n'est pas sûr. L'Église est à l'époque partagée entre courants philosémites et courants antisémites, enfin philo-juifs et anti-juifs. Donc l'influence de l'Église n'est pas évidente. Est-ce qu'on peut plutôt y voir l'influence d'une vieille coutume romaine qui était apparue sous Constantin et dont l'objet était de donner en chrétien des postes de militaires et des postes de hauts fonctionnaires, puisque pour beaucoup en fait de ces militaires et de ces hauts fonctionnaires, c'était par le signe de la croix que l'Empire romain pouvait vaincre. Et donc même chose pour le Regnum Francorum. Si on veut gagner la guerre, si on veut vaincre, c'est par le signe de la croix, forcément. En tout cas, cela a créé un nouveau rapport. Donc on passe du rapport païen-chrétien, qui était assez caractéristique de l'époque de Clovis, à un rapport chrétien-juif, après avoir connu une période où il y avait plutôt un rapport entre chrétiens nicéens et chrétiens ariens. Mais il est un peu tôt d'en tirer des conclusions définitives. Alors, après ce texte de 614, cette décrétion, qui est pourtant un texte remarquable, composé d'à peu près une trentaine de canons, c'est-à-dire de normes, eh bien, Clotaire n'aura pas vraiment réussi à imposer sa légitimité. Donc les bonnes lois ne font pas forcément les bons rois. Et par prudence, il va même associer son fils Dagobert au trône dès 623. Il va lui donner comme apanage l'Austrasie. Il va même d'ailleurs essayer de reconquérir l'Austrasie à son profit, mais Dagobert va lui faire la guerre et va même le battre sur le champ de bataille. Puis Clotaire meurt en 629 à 45 ans. Il est enterré à Saint-Germain-des-Prés, à côté de son père Chilpéric et de son grand-oncle Childebert. Que retenir de cette période? Eh bien, sous le règne de Clotaire, la guerre de fête, c'est-à-dire la guerre de vengeance privée, est mise hors la loi. C'est aussi une période où les femmes ont une influence considérable, pour le pire avec Frédégonde, et pour le meilleur avec Brunehault. Et enfin, c'est l'apparition, c'est une période qui voit l'apparition en réalité d'une aristocratie militaire et aussi ecclésiastique, de plus en plus revendicative, et qui interprète toute concession de la part du roi comme un signe de faiblesse. Enfin, c'est aussi une période qui voit naître, émerger peu à peu, un nouveau peuple, qui sera le peuple français, mais qui en ce moment-là est encore dans les limbes, enfin dans les... Grâce justement à la décrétion de Childebert, qui met fin à cette inégalité de statut entre Francs et Gallo-Romains. Ça sera l'objet d'ailleurs de nos prochains podcasts. Merci et à bientôt.